L'actualité à Nancy et ailleurs. La ville de Nancy a adopté ce lundi 26 septembre un plan de sobriété, de solidarité face aux enjeux et défis climatiques. Estelle Mercier, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe déléguée à la performance financière et budgétaire, au dialogue social et aux ressources humaines et à la commande publique. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les mesures phares que présente ce plan de sobriété et de solidarité ? Oui, bien sûr. Alors déjà, peut-être pour dire que nous n'avons pas attendu la crise énergétique pour entamer un certain nombre de transitions, notamment par rapport à des mesures de chauffage ou d'éclairage, puisque nous avons déjà initié un certain nombre de travaux de rénovation énergétique. Et l'année dernière, par exemple, sur la question de l'éclairage, nous avions déjà signé la charte contre la pollution lumineuse qui nous a permis déjà d'abaisser nos éclairages. Donc on avait déjà des grandes mesures qui avaient été mises en place depuis 2 ans, qui nous permettent aujourd'hui de dire on peut accélérer les choses et on peut aller plus vite pour cet hiver parce qu'on est dans une situation inédite. Mais en tout cas, on était déjà préparé à un certain nombre de choses. Pour les grandes mesures, elles concernent le chauffage dans nos bâtiments, les éclairages publics notamment, et les fêtes de Saint-Nicolas. Et puis il y a aussi tout un volet solidarité et accompagnement. Sur la question du chauffage, à la ville de Nancy, nous avons plus de 400 bâtiments qui sont utilisés par tous les usagers. C'est les écoles, c'est les MJC, c'est les associations, c'est nos bâtiments administratifs. Et il a été décidé de réduire le chauffage d'un degré dans l'ensemble de ces bâtiments pour être à 19 degrés en consigne moyenne. Ça veut dire que ça nous fera permettre d'avoir une économie de près de 10%, presque une année de chauffage du bâtiment hôtel de ville en l'espace de ces quelques mois d'hiver. Alors, sauf les crèches et sauf notre EHPAD municipal, notre maison, qui demande des températures plus élevées pour les raisons que nous connaissons. Sur la question de l'éclairage public qui concerne beaucoup les habitants, il est proposé de ne plus éclairer nos bâtiments publics en façade cet hiver. Donc à partir du 15 octobre, nous n'éclairerons plus ce qui est considéré comme des églises, des bâtiments, les musées lorrains, etc. Mais par contre, nous gardons évidemment la place Stanislas éclairée parce que l'éclairage de la place Stanislas sert d'éclairage public. Donc elle est indispensable pour que les gens puissent quand même se repérer dans la ville. Il est question aussi d'expérimenter l'extinction d'un quartier résidentiel cet hiver en éclairage complet, c'est-à-dire en extinction complète entre 1h et 5h du matin. Nous allons accélérer aussi la baisse de l'intensité de l'éclairage. Nous étions déjà à moins 30 et moins 50% en nuit noire. Nous allons aller jusqu'à moins 70% dans nos rues pour cet hiver. Et puis évidemment, on a tout un programme d'investissement, de remplacement par des LED, etc. Concernant les festivités de la Saint-Nicolas, par exemple, et tout ce qui est lié aux illuminations lumineuses, plusieurs mesures importantes. On mettra plus les illuminations le matin. C'était le cas entre 5h30 et 8h30. Donc là, ça ne sera plus le cas. Et on réduit les plages horaires des illuminations qui seront limitées de 17h à 22h. Sauf des week-ends à temps fort, comme les week-ends de la Saint-Nicolas, par exemple. On réduit aussi le nombre de projections vidéomapping qui étaient prévues pour les Saint-Nicolas de 3 à 2 et de 2 à 1 en semaine. Et puis, on a un certain nombre de mesures aussi concernant nos villages Saint-Nicolas pour les amener à plus de sobriété. Encore un point sur les ressources en eau qui sont importantes puisqu'on a vécu quand même un épisode de sécheresse intense et ça a peut-être interpellé les Nancéens de se demander comment on pouvait continuer à fleurir la ville. Donc comme vous le savez, le jardin éphémère aujourd'hui est arrosé par la réutilisation de l'eau de la piscine de la Méchelle, la plage des Deux Rives, et il est prévu une réduction pour 2023 de nos plantes en jardinière et de plantes en pot, qui sont des pots hors sol, qui sont consommateurs d'eau, et une substitution progressive des plantes annuelles avec des plantes vivaces qui résistent mieux à la sécheresse. Voilà, donc ça c'est pour la partie sobriété de ce plan, il y a aussi une partie solidarité, alors quelles mesures solidaires vont être prises ? Alors, une des principales mesures, c'est l'élargissement du fonds de solidarité logement sur la version énergie, qui est plutôt géré par la métropole du Grand Nancy, mais avec laquelle nous sommes très en lien. Ce FSL énergie, il permet à des personnes qui sont en situation difficile de pouvoir payer leur facture d'énergie. Et là, on sait qu'on va avoir une augmentation forte. Souvent, les ménages les plus pauvres sont ceux qui vivent aussi dans des passoires thermiques, donc qui ont des factures de chauffage extrêmement importantes. Donc, la ville accompagne via le CCAS toutes ces personnes à pouvoir bénéficier, avec un accès au droit qui est accéléré, à pouvoir bénéficier de ces aides à la fois au paiement des factures, mais aussi à les aider au quotidien à faire des éco-gestes ou évidemment à accéder à des aides concernant la rénovation thermique des logements. Alors le fonds de solidarité logement était plutôt sur des ménages qui avaient des minima sociaux et aujourd'hui il a été élargi sur tout ce qu'on appelle les ménages pauvres, donc avec un niveau de revenu faible. Donc il va s'adresser à un plus grand nombre de populations. Et puis on a des mesures d'accompagnement et de sensibilisation vers les quartiers pour aller vers eux, expliquer aussi les bons gestes pour économiser l'énergie, évidemment. Et puis les programmes de rénovation énergétique de la métropole qui s'adressent à un certain nombre de ménages. Avec notamment un week-end de l'énergie et du climat qui est programmé les 22 et 23 octobre. Voilà, exactement. Un week-end de l'énergie et du climat qui est programmé le 22 et le 23 octobre avec plusieurs animations en lien avec l'ALEC, qui est l'Agence de l'énergie et du climat, et la MDDH, la Maison de l'Habitat, qui permet à chacun, donc ce sera dans les grands salons de l'Hôtel de Ville à Nancy, qui permet à chacun aussi d'avoir des ateliers de coaching individualisés pour comprendre et faire le diagnostic chez soi. Il y a aussi des balades thermographiques qui sont organisées dans les quartiers à certains moments, donc on donnera les dates un peu plus tard, pour que les gens comprennent où sont effectivement les fuites d'énergie ou les difficultés à l'extérieur du bâtiment. On voit bien, c'est le toit, les fenêtres, on arrive à voir avec un outil et à visualiser graphiquement où sont les pertes de chaleur. Et puis, on a aussi toute une sensibilisation auprès des copropriétaires dans le cadre d'une journée Rénovons Collectif, qui permet effectivement de sensibiliser aussi à la rénovation thermique et énergétique des bâtiments. Donc voilà pour ce premier plan de sobriété et de solidarité. Est-ce que d'autres leviers sont envisagés pour les mois ou les années à venir ? Alors, c'est vrai que la question de la sobriété, elle n'est pas que conjoncturelle, elle doit s'inscrire aussi dans nos comportements. L'idée, c'est d'adapter nos usages à nos besoins. Est-ce qu'on a besoin d'avoir 25 degrés dans un appartement ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir de la lumière allumée dans les rues la nuit ? Tout ça, ça nous fait réfléchir, ça nous questionne. Donc ce plan-là, il est vraiment le point de départ d'un processus de réflexion sur la façon d'aller vers plus de sobriété sur un certain nombre de comportements et d'usages. Et ça s'inscrit effectivement dans le PCAET de la métropole, qui est le plan climat air énergie, qui nous invite aussi à baisser nos émissions de gaz à effet de serre pour les années à venir. Donc on doit réfléchir collectivement à ça. Donc c'est le début d'un processus. On va travailler avec nos associations, nos partenaires, dans le cadre de nos bâtiments, par exemple, pour les inviter aussi à plus de sobriété et réfléchir à des actions qui pourraient être pérennisées. Si je prends l'exemple de l'extinction d'un quartier la nuit ou de quartiers la nuit, ce qu'ont déjà fait d'autres collectivités ou d'autres communes, si on décide d'arrêter la lumière ou d'éteindre la lumière dans un quartier la nuit cet hiver, avec l'accord des habitants après concertation, et qu'on voit qu'effectivement, cette expérimentation, elle est réussie, elle est amenée à se pérenniser dans le temps, c'est pas juste pour l'hiver. Donc on a effectivement tout un travail à faire de discussion, de concertation. C'est la même chose pour nos commerces et les enseignes qui sont illuminées la nuit. Est-ce qu'on a besoin d'avoir ces enseignes illuminées la nuit ? Il y a une réglementation d'ailleurs qui interdit après une heure à la fin de l'activité d'éclairer les enseignes, donc elles devraient être éteintes logiquement. Donc voilà, c'est le début de quelque chose qui va vers plus de sobriété en matière d'énergie et qui ne veut pas dire qu'on est dans la frugalité ou la décroissance, qui veut juste dire que finalement on n'a peut-être pas besoin de ça et donc on va réduire un peu notre consommation par rapport à nos besoins, on les ajuste. Merci beaucoup Estelle Mercier donc pour cette présentation du plan de sobriété et de solidarité qui a été adopté le lundi 26 septembre. Merci beaucoup. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.